Les ouais, soleil, la lune, les étoiles, bon, y'a lumière sous la terre. Sidéra l'international système D, pour refléter lumière, pour faire nous tout briller, pour faire nous tout aimer. International système lé, pour refléter l'idée, pour faire nous tout briller, pour faire nous tout aimer. Ni en l'homme qui vient créer, si l'homme ça l'a eu qu'à chanter, qu'à distribuer l'amour. Ça va bien? Eddie, ça va bien? Raison, ça va bien? Sure. Adosai o catavai.